Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la deuxième guerre de Tchétchénie et la prise de Grozny par les Russes en février 2000. There are witnesses that I have separately examined. C'est certain qu'il y a eu de la torture, dit ce docteur. J'ai examiné plusieurs personnes et j'ai trouvé des signes évidents que ces gens avaient été battus, affamés et violés. La guerre de Tchétchénie sera cruelle. On n'hésitera d'ailleurs pas à parler de cette guerre comme d'une sale guerre. Ce médecin interviewé à Grozny en février 2000 par la journaliste canadienne Elizabeth Palmer constate tous les jours les dégâts causés par la guerre. On dit que la deuxième guerre de Tchétchénie a poussé sur les routes 250 000 réfugiés et on estime que les deux guerres de Tchétchénie auraient fait au total plus de 160 000 victimes. On vit dans l'angoisse permanente de la fermeture du corridor établi pour les réfugiés désireux de fuir la zone des combats qui se font chaque jour plus intenses. Le poste frontière est officiellement ouvert entre 10h et 14h, mais en fait, il ferme beaucoup plus tôt, selon le bon vouloir des soldats russes. Il est 12h50 lorsqu'une jeep parcourt au pas les 100 mètres qui séparent le poste de la foule silencieuse. Nuit et jour, la colonne de voitures s'étend sur plus de 4 km. On ferme, lâche un soldat. La raison, ce sont les ordres, ajoute-t-il rapidement. Un chauffeur de taxi d'Argoun, une ville située à une quarantaine de kilomètres à l'est de Grozny, lâche sur le ton du désespoir. C'est exactement comme hier. Ils ferment parce qu'ils veulent de l'argent. Dans la matinée, on peut brûler la queue pour quelques 70 dollars, une somme inaccessible pour la plupart, mais après le déjeuner, cela monte jusqu'à plus de 100 dollars par personne. Alors pratiquement plus personne ne passe. La foule attend, résignée. Extrait d'un reportage d'Anne Niva diffusé le 28 novembre 1999 pour nous raconter la deuxième guerre de Tchétchénie, la prise de Grozny par les Russes en février 2000. Mon invité est justement Anne Niva, journaliste, spécialiste de la Russie. Elle a couvert la guerre de Tchétchénie. Elle a publié en 2000 le livre « Chienne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie », ouvrage qui lui a d'ailleurs valu le prix Albert Londres. Et elle vient tout juste de publier « Un continent derrière Poutine ». Anne Niva, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord du début de cette deuxième guerre de Tchétchénie. Les Russes commencent à bombarder la Tchétchénie en septembre 1999. L'armée russe entre dans le pays en octobre 1999. Pourquoi, dans quel contexte éclate cette deuxième guerre de Tchétchénie? Alors, cette deuxième guerre de Tchétchénie, vous faites bien de le rappeler, c'est la deuxième, ça veut dire qu'il y en a eu une précédemment, qui est de 94 à 96. Donc, ça veut dire qu'entre 96 et octobre 1999, il y a eu une espèce de pause. Oui. Donc, évidemment, pendant la pause, personne ne pensait que ça allait reprendre et ça a repris. Et cette seconde guerre de Tchétchénie a été encore pire, disons, que la première. Alors on est dans un contexte où Vladimir Poutine vient d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire que Boris Yeltsin, qui est le président, va bientôt cesser d'être président et met Vladimir Poutine à la tête du pays comme premier ministre. Ensuite, il le fera élire. On est encore dans les premières années de bouleversement post-soviétique, puisque l'URSS a été dissoute fin décembre 1991, ouais. Donc on est seulement 8 ans plus tard, donc on est encore en plein désarroi, je dirais, de la société russe, économiquement, politiquement, ouais. Socialement, et vous avez le centre Moscou et les marches de l'Empire, de l'ex-Empire soviétique, qui ne sont pas d'accord. C'est ce contexte-là, c'est pour cela que les Tchétchènes veulent leur indépendance. Ouais. Ils veulent se séparer de Moscou, du centre, enfin les Tchétchènes. Un certain nombre de Tchétchènes dans la société tchétchène qui ont pris les armes et que l'on appelle les indépendantistes. Mais ouais. Ça n'est pas la majorité de la population tchétchène. Et comme d'habitude, la majorité de la population, donc les civils, vont se retrouver pris au piège entre l'armée fédérale russe, qui, comme vous venez de le rappeler, arrive sur le terrain, et les indépendantistes. Ouais. Et il y a une insatisfaction, donc, à Moscou. Poutine, puis on y reviendra plus tard, mais il incarne un peu cette insatisfaction-là. Il y a des attentats aussi des indépendantistes tchétchènes. Donc, insatisfaction qui fait qu'on décide. Il y a ce fameux discours de Poutine en septembre qui dit « on va les retrouver », et je paraphrase. Oui, « on va aller les buter jusque dans les chiottes ». Voilà. Ça, c'est une phrase absolument horrible qu'a prononcée Vladimir Poutine, et qui est resté dans les annales et qu'il ne prononcerait plus aujourd'hui parce qu'il a beaucoup appris justement sur comment parler aux médias. Et ça, c'est le climat. Et ce qui fait donc que l'opération de l'armée russe en Tchétchénie commence le 1er octobre 1999 et ça va très très vite à partir du moment où les Russes mettent le pied en Tchétchénie. Comment la population tchétchène vit-elle cette invasion? Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de Dorothée Oléric diffusé à France 2 le 21 octobre 1999. Le survol de la zone doit se faire à très basse altitude par mesure de sécurité. La terre reconquise défile, la Tchétchénie libre, comme l'appellent les militaires. Pour la première fois, l'état-major russe a décidé d'emmener dans le nord de la République des journalistes étrangers. La destination est tenue secrète, les itinéraires changent, ce voyage dans un pays en guerre est orchestré par le commandement et les forces spéciales. Nous sommes dans la zone dite de sécurité qui couvre un tiers de la Tchétchénie. Les habitants sont là, tout juste rentrés de leur exil. Le ton est amical, le militaire souhaite établir le dialogue, mais il va rencontrer la colère. Ce qu'on veut, c'est pouvoir sortir d'ici. Ouvrez les routes pour aller à Grozny chercher nos familles. Après, on parlera du reste. Comprenez, on n'a rien fait. On n'est pas des criminels. On est de simples civils. Ça se voit. Regardez-nous, on est des travailleurs. Depuis quelques jours, les réfugiés tchétchènes commencent à revenir dans les villages contrôlés par les Russes. Ils pensaient trouver la sécurité, ils se découvrent une prison. Pour beaucoup, les Russes ne sont pas des libérateurs, mais bien des assassins. Nous avons retrouvé ici le chauffeur du bus touché il y a 10 jours par un tir d'artillerie russe. L'obus avait fait 7 morts. Que cette guerre soit maudite. Que peut-on penser de cette guerre où les Russes tuent les civils? Alors, comment se passe cet automne 99, cet automne d'invasion à Niva? Non, mais moi, je voulais d'abord dire que j'étais très émue de réentendre ma voix que vous avez fait passer là. Là, c'était Dorothée Oléric, mais l'archive précédente, pendant les premières secondes, je ne me suis pas reconnue d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, j'ai eu vraiment un coup d'émotion parce que je me suis revue au bord de cette route à Assinovsky, justement, où j'étais plantée là, à observer, puisque c'est le travail du journaliste, et pour raconter ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ce que Dorothée Oléric raconte, mais à un autre moment. C'est le fait que dans toute guerre, il y a un huis clos. Tout le monde est prisonnier. Il y a une spirale, une espèce d'enfermement vers le bas. On ne peut plus partir, on ne peut plus bouger. Donc là, les gens ne peuvent plus rentrer dans leur village et Assinovsky ne pouvait plus sortir. Ouais. Pour sortir de Tchétchénie, franchir la frontière administrative entre la Tchétchénie et l'Ingouchie pour pouvoir sortir de l'enfer. Parce que c'est l'enfer, cet automne-là. Mais absolument, c'est un enfer inimaginable. C'est un tonnerre de feu qui s'abat sur un tout petit théâtre d'opération. Moi, je suis haute-savoyarde, française des Alpes, donc, et j'avais l'impression, je me souviens, en Tchétchénie, le paysage ressemble énormément au paysage des Alpes. Mmh. C'est beaucoup de montagnes, de la haute montagne. Grozny, c'est sur la plaine, c'est au nord de cette petite république du Caucase, et toute la moitié sud, c'est de la haute montagne. Et c'est minuscule, donc Grozny est sur le plat et les indépendantistes ont été pourchassés pour ensuite aller s'enfuir évidemment vers le sud. Tout le monde fuit, tout le monde bouge. La guerre c'est du mouvement parce que tout le monde veut essayer de s'en aller ailleurs, s'en aller dans un autre village. Tout le monde fuit. Je me rappelle j'ai accompagné des familles où on s'enroulait dans des tapis pour se mettre sur des bennes de camions pour pouvoir passer. Et on fuit l'horreur parce qu'il y a des bombardements massifs. Mais le marché de Grozny va être bombardé. Les gens vivent dans des caves. Alors que Moscou, la propagande de Moscou, essaye de dire qu'elle ne bombarde pas les civils, moi, qui suis journaliste sur place, je témoigne du contraire. Ouais. J'ai passé des mois et des mois à témoigner du contraire. Évidemment, sur le moment, je ne me rendais pas compte de l'importance de ce que j'étais en train de vivre. C'est toujours la même chose, on se rend compte de l'importance a posteriori. Ouais. Mais je me suis rendu compte en couvrant ensuite d'autres guerres, que c'était toujours la même chose. C'est-à-dire que celui qui est en train de vivre, et moi j'essaye de vivre au plus près, c'est-à-dire avec les civils, ouais. les civils sont les premières victimes de ces grandes guerres d'aujourd'hui, avec des armées qui s'affrontent, et souvent ce sont des guerres asymétriques, avec des combattants de l'armée régulière, bon là il s'agit de l'armée fédérale russe, qui bombardent, donc ouais. c'est aérien. On ne peut rien faire contre les bombardements aériens. Et une poignée d'indépendantistes qui essayent, eux, sur le terrain, de se battre. Mais à l'époque, là, il n'y a encore pas beaucoup de Russes sur le terrain. Ils ne sont pas encore tout ouais. à fait arrivés. Et effectivement, c'est le chaos. Tout le monde bouge, tout le monde fouille. Personne ne sait combien de ouais. temps ça va durer. Et en plus, cette invasion russe, elle va très, très vite. Elle se déplace vite sur le terrain, les Russes. Vous rencontrez au début novembre le président tchétchène, Aslan Maskhadov. Un mot très, très brièvement pour nous rappeler qui il est. J'ai eu beaucoup de mal pour réussir à le rencontrer. Qui il est, cet homme-là, puis dans quel état il est? Il sait, lui, que les Russes avancent très vite au moment où vous le rencontrez. Je ne suis pas sûre qu'il sache. En tout cas, c'est un homme qui, comme évidemment la Tchétchénie, essaye de se libérer du joug, disons, de la puissance dominante russe, et vient de sortir de l'URSS. Eh bien, Aslan Maskhadov, le président indépendantiste, est encore tout plein de ce soviétisme. Lui est un homme qui a fait l'armée ouais. du temps de l'URSS et il connaît donc très bien la mentalité militaire soviétique. C'est ça qui est très intéressant et c'est ça, je me rappelle, dont il m'avait parlé, entre autres. C'est-à-dire que les personnes contre lesquelles il se bat là sont des personnes presque qu'il connaît, dont ouais. il connaît la mentalité soviétique. Ce sont tous, ils ont ça en commun. Il comprend ils ont pas en commun ce qui se passe, l'ex-soviétisme. Mais lui, surtout, il ne sait pas où il va. Ouais. Je crois que Aslan Maskhadov, à ce moment-là, ne sait pas où il va. Pour moi, c'est un personnage très seul. C'est comme une espèce ouais. de... C'est un drame qui est en train de se nouer autour de lui. J'ai eu beaucoup de mal à le rencontrer parce que personne ne savait où il était, il fallait enquêter, il fallait essayer de demander. Et puis, je ne me rappelle même plus maintenant les détails sur comment j'ai réussi à le rencontrer. Je me rappelle si que j'avais fait passer des petits papiers, évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable et j'avais pas encore de téléphone satellite. Donc, il fallait utiliser des intermédiaires pour marcher, pour aller le voir, pour recevoir des réponses. Je me rappelle, je lui envoyais des cassettes, il me répondait sur cassette. Enfin, bref, c'était compliqué. C'est en février 2000, donc les frappes aériennes commencent en septembre, l'invasion sur le terrain en octobre. Février 2000, la capitale de Grozny tombe aux mains des Russes. Et là, vraiment, coup formidable du hasard, vous tombez littéralement à Niva sur le leader tchétchène, le combattant indépendantiste Chamil Basayev. Racontez-moi ça, cette histoire-là. Oui, beaucoup de mes collègues journalistes m'ont dit après, tu l'as fait exprès, tu savais qu'il était là. Mais non, je ne peux pas dire que je ne savais. C'est une coïncidence, c'est un coup de chance journalistique. C'est-à-dire, je suis dans un petit village aux abords de la capitale Grozny. Je cherche à rentrer dans Grozny. Ça fait plusieurs jours que je cherche à y rentrer. Donc, je me lève le matin, je ne sais pas où je vais dormir le soir. Je vais de maison en maison, autour. Je suis donc dans ce. Je suis tout proche de Grozny. Mais je n'arrive pas encore à trouver le moyen sur comment rentrer. Et un matin, j'allais passer, j'avais trouvé un passeur aux aurores, et je suis, en fait, c'est pas la peine que j'avance, parce que je vois une nuée qui avance vers moi, et c'était des indépendantistes tchétchènes qui sortaient de Grozny, et parmi eux, je vois des combattants très jeunes que j'avais rencontrés quelques mois plus tôt dans un autre village. Ils me reconnaissent, je les reconnais, et ils me disent « Anne, qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Je veux rentrer ». Ils me disent « Mais ne rentre pas, ce n'est plus la peine parce que nous sortons ». Les Russes sont entrés. Et ça, c'était une info. Ils sortent parce que les Russes les forcent à sortir. Effectivement. Et là, je comprends que c'est le tournant de la guerre. Mais ils arrivent en masse. Et donc, je me dis, je reste là où je suis pour essayer de comprendre comment, dans quel état ils arrivent et de leur parler. Donc, je reste là où je suis, à Al-Khankala. Et vous tombez sur Basayev. Et parmi eux, il y a un des leaders. Un chef de guerre qui s'appelle Chamil Basayev, dont la tête avait été mise à prix par les Russes. N'oublions pas qu'on est avant le 11 septembre 2001. On est avant Oussama Ben Laden. On est avant tout cela. Donc, c'était le terroriste numéro un à abattre. Recherché par tout le monde. Et là, on me dit, il est là, il est parmi les blessés. Il y avait 1500 combattants et je le cherche. Je me revois dans ce village, dans l'hôpital de ce village qui avait été déjà bombardé, donc qui tenait debout, mais qui était quand même à moitié en ruine. Ouais. Et je me rappelle très bien que je regardais tout le monde et même je retournais ceux qui étaient au sol, les blessés, même les morts, pour voir leur visage, pour voir si c'était Chamil Basayev. Et je ne le trouvais pas. Au dernier moment, j'arrive à une dernière salle, il y avait une porte entrouverte. Je l'entrouvre un petit peu plus, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et je vois trois personnes dans cette pièce. Une personne allongée, deux debout. La personne allongée, c'était Chamil Basayev. Et les deux personnes debout c'était un docteur qui était en train de l'opérer et une infirmière. Donc j'ai trois paires d'yeux qui me regardent quelques secondes au moment où j'entrouvre cette porte. Moi, j'ai mon info. Je sais que c'est Shamil Bassaïef. Donc je referme la porte. Il était en train de se faire amputer. Sans anesthésie, sans rien du tout, au moment où j'en trouve cette porte. Et cette info, je n'ai pas pu la donner tout de suite, parce que je ne voulais pas donner des informations aux forces russes, en étant tout de suite en direct sur l'AFP, ou avec mon journal Libération. Mais c'était un moment très très fort. Parlons de... On a un peu vu avec vous depuis quelques minutes ce à quoi ressemble très concrètement cette deuxième guerre de Tchétchénie. Il y a aussi tout un contexte politique qui entoure cette guerre. Comment la Russie justifie cette guerre? Comment l'Europe réagit à cette guerre? On écoute les commentaires du ministre russe des Affaires étrangères, Igor Ivanov, suivi de René Broman, de Médecins sans frontières. Ensuite, vous entendrez le député russe indépendant Sergueï Kovalev et le rédacteur en chef de l'Écho de Moscou, Alexei Venediktov, au moment où le Conseil de l'Europe est saisi de la question tchétchène fin janvier 2000. Cette opération antiterroriste qui se poursuit aujourd'hui en Tchétchénie, et je veux le souligner en tant que ministre des Affaires étrangères, dépasse les limites des frontières régionales. Vous devez réaliser cela. La Russie défend les frontières communes de l'Europe contre le barbarisme et du terrorisme international. Le gouvernement russe a recours à un énorme mensonge qui consiste à qualifier d'opération antiterroriste, ce qui est à l'évidence une guerre. Mais nous sommes complices de ce mensonge, nous autres les Européens, si nous nous contentons d'écouter cela sans réagir et sans réaffirmer une vérité essentielle qui est l'existence de cette guerre. Les méthodes utilisées par le gouvernement russe sont terribles. Les frappes de l'armée ne sont pas sélectives. Elles touchent toute la population. Bien sûr qu'il y a les problèmes de terrorisme en Tchétchénie. Il y a les problèmes de réfugiés, de terrorisme, des drogues, des vols d'armes, etc., etc. Mais les méthodes que fait notre gouvernement ne peuvent pas résoudre ces problèmes. On ne résout les problèmes de trafic de drogue par les bombardiers. On ne résout pas les problèmes des otages par les bombardiers. Je pense qu'il faut laisser la Russie en Conseil de l'Europe, bien sûr, mais il faut donner l'avertissement à nous, parce que notre pouvoir pense qu'en Tchétchénie, tout est possible, tout est permis. Ah, comment décrire la joute politique à Niva à laquelle on va assister autour de cette guerre de Tchétchénie? Non, mais je dois dire, en réécoutant tout ça, là, ça me saute aux yeux, c'était vraiment le tout début de la guerre contre la terreur au niveau mondial. Et d'ailleurs... L'argumentaire, en tout cas. Absolument. Ouais. Tout l'argumentaire débute avec cette guerre en Tchétchénie. Et c'est Vladimir Poutine, le premier, qui détient ce vocabulaire et qui le popularise, je dirais. Avec ce refus d'appeler cette guerre une guerre, elle a toujours, jusqu'à aujourd'hui, été nommée par le Kremlin comme une opération antiterroriste. Ouais. On est dans les prémices de ce à quoi on a abouti aujourd'hui. Or, il s'est passé 20 ans. Et l'Europe qui laisse faire? Mais bien sûr, l'Europe laisse faire. L'Europe laisse faire et toute la journée, je n'entends que ça de la part des Tchétchènes à qui je parle. Et je me sens d'ailleurs très honteuse. Je me souviens de ce sentiment-là. J'étais démunie et honteuse. Parce que les Tchétchènes comparaient également avec ce qui s'était passé au Kosovo, peu de mois auparavant, en disant « vous aidez le Kosovo, vous vous préoccupez du Kosovo, et nous, rien, nous, on n'existe pas ». Donc effectivement, c'était le sentiment prégnant de l'époque. Terminons, vous l'avez évoqué, vous avez parlé de Poutine, de la façon dont il va se servir de cette guerre de la Tchétchénie. Un dernier extrait, puis on y revient ensemble dans un instant, on y va à cette dimension politique, politicienne. Mais on écoute d'abord un extrait du documentaire « Le système Poutine » réalisé par Jean-Michel Carré et Jill Emery en 2007. Vous allez y entendre dans l'extrait qu'on vous présente le conseiller de Vladimir Poutine, Gleb Pavlovski. La Tchétchénie a toujours été le tombeau des hommes politiques. Beaucoup étaient effrayés et considéraient que Poutine devait prendre ses distances. Mais Poutine a fait preuve d'opiniâtreté. Et à la surprise générale, ça joue en sa faveur. La classe moyenne s'est mise en colère. Et Poutine a réagi comme eux. C'est ici que l'image se construit. Je suis un homme comme vous. Je suis au pouvoir, mais je suis un homme comme vous. C'est là que Poutine devient Poutine. Il a acquis un langage, il a acquis une certaine liberté, une aisance dans les contacts avec les gens, et il n'a plus peur de son auditoire. Quelle importance aura Vladimir Poutine dans cette guerre de Tchétchénie et quelle importance aura cette guerre pour lui, Anne Niva? C'est plutôt à la deuxième partie de votre question que je pense qu'il est important de répondre, c'est que cette guerre aura une importance capitale pour Vladimir Poutine. Elle est le socle, le piédestal de la statue, de l'icône russe qu'il est aujourd'hui. Oui. Il a forgé tout cela sur cette popularité de Poutine, sa façon de gouverner est ancrée sur ce conflit tchétchène. Cette verticale du pouvoir, ce sont les Russes eux-mêmes qui disent ça, vient de cela. Et les Russes, effectivement, il a raison, Gleb Pavlovski, de dire cela, apprécient oui. cela. C'est une des raisons pour lesquelles les Russes, en mars 2018, ont voté pour Vladimir Poutine à plus de 70% pour le réélire président pour la quatrième fois. Cet homme fort, c'est la force de leur pays. C'est comme ça qu'ils voient ça, en quelque sorte. La grandeur de la Russie. Ils ont, les Russes, à tort ou à raison, parce que moi je ne veux pas juger les Russes, je les observe. Je montre sans démontrer dans mes livres, dans mes films, dans tout ce que je fais. Mais c'est une des raisons pour lesquelles nous les comprenons mal. Nous les comprenons mal parce que nous n'avons pas la même histoire qu'eux. L'histoire des Russes est une histoire hyper violente. C'est une histoire de bouleversement. C'est une histoire de traumatisme, d'humiliation. C'est leur perception des choses. Elle est différente de la nôtre. Le tsarisme, la révolution de 1917, les 7 décennies de dictature totalitaire soviétique qui se terminent fin 1991 alors que personne n'y est préparé. Boris Yeltsin, maladroit mais en même temps si russe, ouais. si aimé par le peuple russe mais qui avait une tâche très difficile parce que c'était le tout début. Il met en scène Vladimir Poutine et Vladimir Poutine est là, et est encore là. Il est encore là en 2018 parce qu'il a annihilé toute opposition à lui-même, ouais. effectivement, et parce que les Russes ont peur qu'il ne soit plus là. Ils lient, une fois de plus à tort ou à raison, la stabilité de leur pays avec la présence de Vladimir Poutine. Ouais. Pour le moment, ils ont peur de la Russie sans Vladimir Poutine. Revenons, en terminant, à la Tchétchénie. Qu'est-ce qu'elle devient, en quelques mots, cette Tchétchénie aujourd'hui ? La Tchétchénie aujourd'hui est la même petite république magnifique que j'ai rencontrée, mais qui est extrêmement blessée, au sens propre comme au sens figuré, qui ne s'est pas remise de ses blessures. Alors bien évidemment, toute cette guerre a eu lieu pour rien, puisque le but c'était d'extirper l'entité, la région Tchétchénie de la Fédération Russie. Ça n'a pas eu lieu, c'est donc un échec total. La Tchétchénie fait toujours partie de l'immense fédération de la Russie. Donc, la reconstruction, l'argent pour la reconstruction vient de Moscou, ouais. elle vient du Kremlin. Et les Tchétchènes savent très bien que ceux qui les ont bombardés sont ceux qui les reconstruisent. Ouais. Et c'est très difficile de se construire sur ce dilemme-là. Donc moi, j'ai bien peur qu'un jour ça reprenne. Anne Niva, c'était fascinant, merci beaucoup. Merci à vous. Anne Niva, très émouvant de se remémorer tout ça pour moi. Ben, très, très intéressant pour nous de vous entendre vivre tout cela avec nous. Je le rappelle donc, vous êtes journaliste, auteur de Chienne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie, plus récemment de l'ouvrage Un continent derrière Poutine. Voilà, vous avez nommé mon premier et mon dernier livre, qui sont tous les deux sur la Russie. Et puis il y a tout plein d'autres livres entre les deux. Oui. Merci Anne Niva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.